Bonjour mademoiselle. Non, moi c'est madame Dominique. Pardon madame. Appelez-moi Pic. Piclas de glace. Je casse les tabous. Vous représentez quoi? Être une artiste créatrice de tes désirs les plus tristes. Je te fais un topo, t'as pas de peau avec moi chez Charlot, on se la pète pas. Ces gachi qui sont parano et chaudes, je mouille le maillot. Elles t'impressionnent avec leurs caractéristiques physiques, si chimiques, cette réplique, quand il y a du fric. Après tout, pourquoi je dois m'en vouloir d'avoir pas choisi cette femme? Après coup, je ressens comme un dégoût. Sincèrement, tu t'attendais à quoi? À une incroyable talentueuse censure? Bon ok, je censure, c'est salopette. Tu veux ou tu m'en veux? J'exauce tes vœux les plus vieux. Homme qui représente l'abstinence par méfiance et ignorance. Oui, oui, oh le vieux, c'est pas ce que je veux, t'aurais pu faire mieux. Chez ces chippies, c'est la panique, comme Titanic. Quand on a du fric, elle devient hystérique, ça me donne le tournic. C'est comme un cric, elle devient robotique dans ses boutiques. Et la foule leur donne la panique, quand elle voit leur homme étiqueté dans la rue par la concurrence à outrance. Dans ces cas, c'est toujours nos fautes. Alors on se donne la patte comme un Kit Kat pour faire acte d'un pacte réunissant hommes et femmes jalouses. Je sors la blouse, j'ai la loose. Elles regardent toutes et ne peuvent pas monnayer d'espionner le portable de leur mec. T'as reçu un message? Oh, c'est qui? Je connais. Ou du genre, ne regarde pas les autres filles que moi sur les magazines. Arrêtez de vous la jouer suspicieux dans votre jeu. C'est honteux et ennuyeux d'être soupçonneux. Les enjeux se veulent d'avoir confiance. J'en fais une tendance de cette substance. Tu veux ou tu m'en veux? J'exauce tes vœux les plus vieux. Homme qui représente l'abstinence par méfiance et ignorance. Oui, oui, oh le vieux, c'est pas ce que je veux, t'aurais pu faire mieux. La jalousie me fout les nerfs, va chercher, fais-moi ci, je veux ça. Et quand tu l'as, t'en veux encore et encore. Ironie du sort, tu t'emprisonnes, pas de bouffée d'air pur. Je bosse dur et t'en profites, vite. Et quand on te réplique, tu sors tes griffes, histoire de te refléter dans un miroir. Ta personnalité, en attendant ton heure de gloire. Il faut te faire valoir, et je crois qu'il n'y a plus espoir. Alors au revoir, ou regarde-moi en face. Quand je te dis les quatre vérités, je t'en veux pas, mais m'aborde pas, dans tous les cas, je te veux pas. Si t'as la jalousie impiète sur notre amour, je détourne les combines pour m'en sortir, choisir un couloir pour s'enfuir, oublier qui tu es, ne jamais t'avoir connu, je t'efface de mon portable. Tu veux ou tu m'en veux? J'exauce tes vœux les plus vieux. Homme qui représente l'abstinence par méfiance et ignorance. Oui, oui, oh le vieux, c'est pas ce que je veux, t'aurais pu faire mieux.